Il fait toujours attention. Il veut maîtriser ses pulsions. Il a peur de la vitesse. Il est debout sur le frein. Il n'aime pas la jeunesse. Il a peur des martiens. Il ne fait plus de projets. Il prend trop de précautions. Il vante le passé hors saison. Il dit que l'histoire a toujours raison. Il asphyxie la passion à force de sermons. Réactionnaire, systématique en réaction. Aussi motivant qu'un somnifère. Antithèse et contradiction. Il en fait un contentieux. Une broyeur de l'imaginaire et classicisme pompeux. L'avant-garde et ça le regarde. Mais son âme est aussi terne que le fond d'une caverne. Oh, bogey! Bémol, bémol, bogey! On est dévasté. Oh mon Dieu, qu'on est dévasté. Mais l'hiver, cet hiver, là, on est en plein dedans. On en mange encore de la neige. Il ne faut jamais éternuer parce que quand tu. Avant d'éternuer, tu prends une grande respiration. Là, tu en bouffes des deux, trois bancs de neige. T'essayes de. Mais heureusement que ça fond dans l'œsophage. Deux, trois moissons de glace, là, à un moment donné, mais c'est plus long à fendre, mais de la neige, ça fond tout seul. Lorsque nous étions enfants, même plus grands aujourd'hui, neige dehors, tu tires la langue, là. Le quand qui tombe sur ta langue. Avez-vous déjà fait ça? Je vous conseille fortement encore aujourd'hui, là, exécuter la chose, là. Mettez ça en pratique, là. Placez-vous dehors. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est pas important. C'est pas grave. Pas besoin d'avoir d'enfants. On est tous des enfants. Ah oui. Michael Jackson a bien compris ça, lui. Oh! Mais c'est fou, lui, c'est fou. Michael Jackson, t'aurais peut-être dû mourir. Ah non, c'est fait depuis 10 ans. Il est mort. Puis lui, ce qu'il voulait, c'est régresser, hein? Il voulait redevenir en monde ou pour avoir le même âge que ceux qui ont abusé. Ah, on fait pas de politique ici. Ah non. Puis, je le dis souvent, puis même si c'est dur à avaler, la pilule est dure. Non, je me sens comme un commentateur sportif. La pilule est dure à avaler. Ils disent ça souvent, eux autres. Je sais pas pourquoi ils sont peut-être sa pilule plus que nous autres. Mais je porte pas de jugement, madame. Donc, j'essaye de comprendre. Ben, voyons. Votre petit dernier. Vous l'avez... Il vous a même pas appelé. Ah, ben, en vieillissant, hein, nos enfants, ben, ils font leur vie, madame. Ben oui. Vous la faites. Quand vous allez jouer au bingo le lundi, le mercredi puis le samedi, dans ce social... Le mardi et le vendredi, quand vous allez manger au restaurant, à tous les dimanches après-midi. La neige tombe sur cette nuit blanche. De plaisir et ma main sur tes hanches, je caresse ta peau aussi douce que l'argile. Tes lèvres sont si chaudes et les minutes fragiles. Aime-moi, aime-moi, aime-moi encore. Aime-moi, aime-moi encore au moins. Jusqu'à l'aurore, jusqu'au petit matin. Aime-moi. Encore au moins. Et Henry Miller sur la table de nuit, et ma guitare dans son étui. Partirai demain, les cheveux en bataille, les yeux mi-clos. Tu parles d'un train qui déraille. Mais aime-moi, aime-moi, aime-moi encore. Aime-moi encore au moins. Jusqu'à l'aurore, jusqu'au petit matin. Aime-moi encore au moins. Là tu as tout ce que je n'ai pas. Et puis tu sais aussi ce que je ne sais pas. Partage-moi tout contre toi. Pour échange-moi pour toi, mais aime-moi, aime-moi, aime-moi encore. Aime-moi, aime-moi encore au moins. Jusqu'à l'aurore, jusqu'au petit matin. Aime-moi encore au moins. Sur ce grand lit bancal, je vendrai tous mes privilèges pour un dernier baiser dans la lumière pâle. Mais aime-moi, aime-moi, aime-moi encore. Aime-moi, aime-moi encore au moins. Jusqu'à l'aurore, jusqu'au petit matin. Aime-moi. Jusqu'à l'aurore, jusqu'au petit matin. Aime-moi encore au moins. Mmh.

Bon, mais jamais, jamais, jamais, ah non, je trouverais ça horriblement... bon, enfin, je sais pas, faut avoir la grosse tête pour dire à quelqu'un, non, je n'écris pas pour vous, vous ne me méritez pas, c'est complètement stupide, enfin. Mais normalement, comment ça fonctionne? L'artiste, tu rencontres l'artiste, vous discutez un peu pour savoir un peu quelle chanson... dans le meilleur des cas, oui, moi j'essaye toujours de rencontrer les gens et de parler avec eux, oui, bien sûr, il faut un contact humain, ouais. Hein, qui pour moi est essentiel. Hein. La seule personne pour qui j'ai écrit et que je n'ai jamais rencontré, c'est Dalida. Bon. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça ne s'est pas fait, bon, c'est la vie, hein. Ouais. Mais bon, j'avais surtout affaire à son frère. Ok, oui. À Orlando, donc les quelques chansons que j'ai écrites pour elle, j'en ai écrit 4 ou 5, je ne sais plus. Bon, enfin, bon, quand même quelques-unes, quoi, dont d'ailleurs la toute première, Dans la ville endormie, figure dans le dernier James Bond, bon, c'est... Il y a 1 minute 20 de cette chanson qui a été écrite dans une chambre de bonne. Ah, oui. Donc dans des conditions matérielles plus que précaires. Parce que les chambres de bonne à l'époque, c'était quelque chose. Oh, quand même, oui. Hein. Bon, qu'elle se retrouve dans un film hyper capitaliste. Eh oui, mais c'est fou, c'est fou. Comme un James Bond. C'est un beau pied de nez. Ah, mais c'est un pied de nez extraordinaire. Voilà. Mais je ne l'ai jamais rencontré. J'ai toujours eu affaire à Orlando. Bon. Alors, bon, c'est comme ça. Mais, mais est-ce que c'est lui qui dirigeait ou toi tu faisais un texte et tu lui remettais? Ah non, non, il me demandait, puis je faisais le texte. Okay. Je me souviens que la première, là, cette fameuse chanson, justement, il m'avait demandé de changer la fin, bon, de changer 3-4 vers, parce qu'il semblait que je pouvais faire mieux. Oh. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, effectivement, c'était mieux. Donc, ok. Moi, je suis pas quelqu'un de buté. Si un artiste ou un directeur artistique me dit « Tiens, ça, tu peux l'améliorer » et que je pense qu'il a raison, je retravaille. Ouais, ouais, ouais. Je retravaille. Je n'ai jamais considéré que j'étais Saint-Jean-Bouche-d'Or et que tout ce qui sortait de ma plume était un petit miracle d'écriture. Moi, jamais. Moi, je suis pas... Non, j'ai pas ce genre de prétention. Non, non, non. Non, non. Enfin, elle a encore la haine au ventre, la rage au corps, la bête immonde qu'elle tourne au loin comme un vautour où rampe et ronge tout autour la bête immonde. Depuis le temps qu'elle fait le trou de sa tanière grise, là-bas, ici, partout, au cœur de chacun de nous, elle est l'enfant que la bêtise a conçu avec l'ombre, la bête immonde. Depuis le temps qu'on laisse faire tous les suppôts de son enfer, la bête immonde, qu'elle a vomi des gestapos dans toutes les guerres, tous les ghettos, la bête immonde. Que des salons dans des salons lui trouvent des excuses, lui trouvent des raisons, plébiscitées par les cons. Elle est la fille de la ruse qui naît sur les décombres, la bête immonde. On pleure, pleure, ma mère la terre, des larmes de siècles et de sang. On pleure, pleure des gouttes d'océan. Sur les champs qui montent des wagons, les gants, les tortionnaires, les frères qui clouent leurs frères. frères au poteau des religions. Oh, pleure ma mère la terre, au fond de tes entrailles gronde la bête immonde. Mais qui va lui planter un pieu dans le cœur? Qui va l'amputer du goût de l'horreur? Elle qui étrangle les ethnies, massacre les poètes, étouffe l'homme honnête au bâillon des calomnies. Il faut lui faire sauter la tête avec sa propre bombe, la bête immonde. Depuis qu'elle nous pollue l'histoire, à coups de glaive, à coups de gloire, la bête immonde. Que son crachat sur ton drapeau dépend de ta couleur de peau, la bête immonde. Depuis qu'elle ronde avec sa faux, emblème de son règne. Depuis qu'elle dit je t'aime aux cagoules, aux échafauds. Faut cribler de chrysanthèmes jusqu'à ce qu'elle succombe, la bête immonde. Oh, pleure, pleure, ma mère la terre, des larmes de siècles et de sang. Oh, pleure, pleure, des gouttes d'océan. Sur les bouquins, dans les bûchers, les cris des ratonnades, sur les croix des croisades et les continents barbelés. Où pleure ma mère la terre, au fond de tes entrailles gronde la bête immonde. Mais qui va lui planter un pieu dans le cœur? Tes entrailles grondent, la bête immonde. Oh, pleure ma mère la terre, au fond de tes entrailles grondent, la bête immonde. Par contre, quand je pense que l'artiste a tort, je ne change pas. Bon, tu connais sûrement l'histoire d'été indien. Où le directeur artistique m'a dit « Ah, votre texte est formidable, mais il y a deux choses qu'il faut changer. C'est l'été indien, parce que personne ne sait ce que c'est. » Ah oui, oui, oui. Et oui. La robe de Marie Laurencin, parce que personne ne sait ce que c'est. Mais ça, c'est vrai. Hein. Oui. Il me l'a dit. Bon, ben là, je me suis battu, parce qu'il avait tort. Ben oui. Voilà. Mais quand je pense que l'artiste a raison, je change. Ok. Ouais, je n'ai pas du tout ce genre de blocage, de prétention, non pas du tout. Est-ce que c'est déjà arrivé que devant l'artiste, ce que tu rencontres, tu sens que ça ne fonctionne pas? Es-tu capable de lui dire, bon, écoutez, vous irez voir ailleurs? Quoi qu'il ne fonctionne pas? Le texte que j'ai écrit? Non, tu rencontres la personne et tu dois lui écrire une chanson et tu te rends compte que ce qu'il veut ou ce qu'elle veut ne correspond pas vraiment à... Oh non. Non, ça m'est arrivé deux ou trois fois. De dire non parce que l'idée me convenait pas. Ok. Mais la personnalité, non, jamais ça. Mais bon, je l'ai raconté souvent, maintenant je crois qu'il ne s'en souvient plus. Mais bon, c'est un peu normal. Moi j'ai une mémoire infernale qui est épouvantable, je me souviens de tout, alors c'est affreux. Ok. Parce que c'est très encombrant. mais bon, la plupart des gens que je connais n'ont pas la chance ou la malchance d'avoir cette mémoire. Sardou m'avait demandé de co-écrire avec lui « Je suis pour ». Bon, comme moi, je pensais qu'il y aurait une confusion dans cette chanson, parce que lui, ce qu'il voulait simplement dire, c'est que raconter l'histoire d'un père à qui on avait tué son enfant, et le père disait à l'assassin de son enfant, j'aurai ta peau. Quoi. Bon, ce qui est tout à fait légitime, ouais. Que n'importe quel parent, femme ou homme, peut penser. Mais je savais très bien que cette chanson, en plus vu l'époque, passerait pour une chanson de propagande pour la peine de mort. Ouais. Or, moi, j'étais contre la peine de mort, donc je lui ai dit non, je ne peux pas écrire ça, parce que ça va être mal interprété, ça va être mal pris, les gens vont penser que c'est une chanson qui milite pour la peine de mort, et moi, je ne peux pas militer pour ça, je suis contre. Et bon, alors après, il a écrit seul. Avec les polémiques que l'on sait, bon, dont il s'est expliqué souvent. Il a dit, mais j'ai jamais voulu faire une chanson de propagande pour la peine de mort, j'ai voulu simplement parler d'un père à qui on a tué son fils, et qui dit, Je n'ai pas l'âge de mes artères, mon front sans ride est un abus. Quand je suis sorti de ma mère, j'avais déjà beaucoup vécu. Et pour mon âme aux tempes grises, Mathusalem est un gamin. Je vais prier dans des églises que j'ai connues, temple romain. J'ai 25 ans, ce sont des faux. J'ai 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans. J'ai prié toutes les idoles, du roi des juifs aux veaux païens. J'ai prêché la bonne parole et je me suis lavé les mains. J'ai fait la guerre dans tous les camps. J'ai soutenu tous les drapeaux. J'ai bu la paix à tous les sangs. Je suis un lâche et un héros. Faut pas se fier aux apparences. J'ai l'air de sortir de l'enfance. Sur mes papiers, j'ai 25 ans. Ce sont les faux. J'ai 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans. J'ai pleuré mes amours d'enfance, de Cléopâtre à Valeska. Perdu 100 fois mon innocence, mais je l'ai retrouvée 100 fois. J'ai souvent craché sur mon sort, prié pour que tout soit fini. Mais chaque fois que je suis mort, c'était en hurlant. Faut pas se fier aux apparences. J'ai l'air de sortir de l'enfance. Sur mes papiers, j'ai 25 ans. Mais ce sont des faux. J'ai 2000 ans. Faut pas se fier aux apparences. J'ai l'air de sortir de l'enfance. Sur mes papiers, j'ai 25 ans. Ce sont des faux. J'ai 2000 ans. Faut pas se fier non, aux apparences. J'ai l'air de sortir de l'enfance. Sur mes papiers, j'ai 25 ans. Ce sont des faux. J'ai 2000 ans. J'ai 2000 ans. Le seul problème, c'est qu'il y avait... Il y avait une phrase qui était équivoque et qui était une maladresse, mais... Tu voulais garder. Je dis souvent, d'ailleurs, ça, parce que les gens n'y pensent pas à ça. Mais n'oubliez pas qu'il était très jeune, il avait 25 ans. Bon, c'était pas un mec avec la bouteille de 50 ans, etc. Bon, les gens pensent pas à tout ça, c'est vrai. Hein. Ouais. Bon, mais c'était la phrase « Je suis pour ». Bon, je suis pour. Bon, il voulait dire, toi, lui, il voulait dire, je suis pour ta mort, salaud qui a battu mon, qui a tué mon fils. Mais je lui avais dit, ça va être pris pour un slogan, je suis pour la peine de mort. Donc j'avais bien vu l'écueil, j'avais bien vu. Bon, il l'a fait quand même. Bon, c'est sa responsabilité. Bon, c'est même plutôt courageux, je trouve, de l'avoir fait quand même. Ouais. Mais je savais très bien que ça allait susciter des polémiques. Bon, et il y en a eu. Voilà. Bon, ça, là, le genre de choses que je peux refuser, parce que ça ne correspond pas à mes idées. Ouais. Mais, mais en revanche, refuser un texte à quelqu'un à cause de sa personnalité, non, ça ne joue pas. Pourquoi, encore une fois, ça serait vraiment très prétentieux, quoi. Enfin, il ne me semble pas être comme ça. Voilà. Mais bon, évidemment, on ne pourra jamais me faire écrire le contraire de ce que je pense. Ouais. Bon, ça, c'est évident. Ouais. C'est... c'est la moindre des choses, quand même. Bon. Partout, bon, la responsabilité d'écrire... Bon, d'écrire des choses avec lesquelles on est en face, quoi. Bon. Dans ta carrière, tu as rencontré des artistes et il y en a qui tranquillement avançaient en âge et bon, tu les as sans doute perdus de vue, tu les as revus. Est-ce que c'est toujours le même lien après plusieurs années, comme Beko à un moment donné, où vous êtes perdu pendant quelques temps et vous êtes retrouvé? Bah, il y a des gens avec lesquels on a des liens très forts à un moment, et puis bon, on se perd de vue, mais ça, c'est pas seulement dans des carrières d'auteur, c'est ouais, dans l'amitié aussi. Dans la vie, c'est souvent comme ça. Alors, bon, quand c'est des gens auxquels on tient, oui, c'est vrai qu'il y a une petite tristesse, ouais. Bon, mais souvent, quand même, on s'est retrouvés. Beko, on s'est retrouvés, Fugain. Il y a eu un long moment, on n'a pas travaillé ensemble, on s'est retrouvés, on est à nouveau très très très proches et très amis. On parle même d'ailleurs entre nous de fraternité, on est vraiment des frères. Il y a des gens que j'ai perdu de vue et que je regrette, mais bon, souvent c'est parce qu'ils ne sont pas là, ils sont loin. J'ai perdu de vue Julio Iglesias, c'était quelqu'un que j'appréciais énormément, quelqu'un de très intelligent, avec beaucoup d'humour, d'autodérision, avec une voix magnifique. Ouais. Je regrette vraiment de ne plus voir Julio, mais bon, il habite Miami, moi j'habite Paris, c'est loin. 8e, c'est loin. Je suis sûr que si on se retrouvait, on se tomberait dans les bras, ouais, ouais. Certainement. Mais bon, la vie ne l'a pas voulu. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté des romances, qui t'a inventé des dimanches, qui t'a fait voyager. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique, mais n'était pas assez riche pour t'emmener à Corfou. Et toi non plus, tu n'as pas changé, toujours les mêmes parfums légers, toujours les mêmes petits sourires qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. Je n'ai pas changé, je suis toujours l'apprenti baladé, qui t'écrivait des poèmes qui commençaient par « je t'aimais » et finissaient par « demain ». Je n'ai pas changé, je prends toujours le chemin qui me plaît. Un seul chemin sur la terre a réussi à me plaire, celui qu'ensemble on suivait. Et toi non plus tu n'as pas changé, toujours les mêmes parfums légers, toujours les mêmes petits sourires qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus tu n'as pas changé, j'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. Et toi non plus tu n'as pas changé, toujours les mêmes parfums légers, toujours les mêmes petits sourires qui en dit long sans vraiment le dire. J'avais perdu de vue aussi Johnny. On a quand même travaillé une bonne année ensemble. Mais lui, bon, c'était autre chose. Lui, je crois qu'il était très très fidèle en amitié, mais en revanche, professionnellement, il passait d'un auteur à l'autre, souvent d'ailleurs selon les modes, hein, faut bien le dire. Bon, il travaillait avec Michel Berger quand ouais. Michel Berger était à la pointe, bon, de la célébrité, avec Goldman après, bon, avec Obispo. Enfin bon, il a toujours été un petit peu entre guillemets au secours de la victoire. Je dis, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est assez vrai. Donc on s'est pas, on s'est jamais retrouvé. Alors, comme je suis très très timide, par exemple, je l'ai revu aux obsèques de Carlos. Bon, ben, j'ai même pas osé aller lui dire bonjour. Mais il est aussi timide que moi, Johnny. Bon, Johnny était très très timide, donc. Bon. Mais c'est des gens, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié Johnny. Je trouve que c'était un type vraiment chouette, gentil, pas du tout star, pas du tout star. Contrairement à ce que beaucoup auraient pu penser. Mais bon, ça, c'est pas. Ça ne s'est pas produit, mais bon, dans toute vie, c'est pas seulement dans la vie d'un auteur, dans toute vie, il y a des tristesses comme ça. Il y a des tristesses comme ça. Des petites morts. Il y a des gens qu'on perd de vue, ouais. c'est dommage. Sinon, quand même, la plupart du temps. Ça m'a mis la puce à l'oreille, l'anneau que j'y avais. Je pense que dans mes disques, ma voix vibre sous un diamant. Je me dis que je prends des risques d'or, évidemment. Que le silence est d'or. Elle est pour cracheurs de discours, tous les jeteurs de poudre aux gens. Faudra bien qu'ils payent à leur tour, puisque la parole est d'argent. Signe extérieur, puis de richesse. Signe extérieur. Yeah. la source. Des gens avec qui j'ai travaillé, on se suit toujours de près ou de loin. Quoi. Mais c'est vrai qu'Olio, c'est un peu particulier. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai passé des tas de soirées formidables, très agréables, très intelligentes, très drôles. Pas du tout star non plus. Ouais. Pas du tout. Sur scène, oui. Mais c'est tout. Pas dans la vie. Quoi. C'est bien parce qu'il sait faire la transition. Ah, complètement. Est-ce que, dans ton cas, c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Bah, il y a les deux. C'est vraiment un processus qui est relativement inexplicable. Ça peut être les deux démarches. Mais ça peut être une note qui amène un mot aussi. Ça peut être une émotion née de la musique. Ça peut être quelque chose que j'entends dans la rue. Salut les amoureux, c'est ça, hein. Salut les amoureux, je crois que j'ai raconté l'histoire très souvent, mais pour la faire courte, on avait rompu donc avec la femme que j'aimais vraiment très très très fort. Et donc on dit voilà, c'est fini. Bon, toujours un moment très difficile. Je la raccompagne en bas de l'immeuble, on habitait rue Monge. Et puis on arrive en bas, donc elle est devant sa voiture, elle va prendre sa voiture pour s'en aller, pour toujours. On sait qu'on c'est fini, on ne sera plus jamais ensemble. Et là, il y a une brave dame qui est sur le pas de la porte et qui nous fait « Salut les amoureux !» C'est terrible. Mais évidemment, moi, j'entends ça, et ça reste dans un coin de ma mémoire et de mon cœur d'ailleurs. Et cette phrase fait mal, et 6 mois plus tard, quand j'ai cette musique que Joe me donne à paroler, automatiquement ces mots-là viennent sur la musique. Ça peut être ça aussi. Les matins se suivent et se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien.

Oh, c'est surtout beaucoup de travail. Ouais. Si c'était de la magie. Ouais. D'abord, ça serait pas drôle. Parce que, bon, donner un coup de baguette magique et puis... Non, ce serait pas drôle. Non, mais je veux dire, la phrase qui se colle à la musique... Et... Ben, ça, c'est beaucoup de travail, okay. Souvent, aussi. Mais si ça arrivait comme ça, tout seul, ça serait pas très intéressant. Mais c'est arrivé pour cette chanson-là. Ce qui est intéressant, c'est... Enfin, oui, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Hein. C'est de chercher, c'est d'essayer de trouver le mot qui convient, la phrase... ce qui convient à l'ambiance de la musique, ce qui convient aux notes, à l'accent tonique, enfin bon, toutes ces choses-là, quoi. De cerner le problème petit à petit et petit à petit de construire quelque chose qui à l'arrivée, va paraître aux gens qui vont l'entendre tout à fait naturel et presque facile. Presque facile. Au fond, les gens, quand ils entendent une chanson, faut pas qu'ils sentent le travail. Ouais. Faut pas qu'ils sentent le travail. Ouais. Sinon, c'est mauvais. Ouais. Dans le temps, au XVIIe siècle, quand il y avait un mauvais poème, les gens disaient « Oh là, ça sent la lampe. » Parce que les gens écrivaient la nuit, alors qu'il n'y avait pas d'électricité, c'était des lampes à huile qui sentaient fort. Alors on disait « Ça sent la lampe. » C'est bon. Le pauvre malheureux, il a trimé toute la nuit dans sa lampe. Faut pas que ça sente la lampe, ce qu'on écrit. Faut que les gens aient l'impression que c'est venu tout seul. Quoi. Bon, et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi. Ben non, c'est énormément de travail. Oui. Voilà, bon, c'est comme ça. Mais faut surtout que... Enfin, c'est comme si un architecte était content parce que devant la maison qu'il a construite, il y a encore l'échafaudage. Oui. Ben non, faut pas que l'échafaudage se voit. Bon. C'est tout, quoi. Tu estimes combien de chansons que tu as écrites? Bah, j'estime à peu près à 4000, là, aujourd'hui, parce que j'ai 107 cahiers de brouillon, là, c'est le 107e qui est là-bas, okay, ouais. Qui est démarré. Donc, si on compte à peu près 40 chansons par cahier, ce qui est à peu près le cas, hein, tu calcules, ouais, hein, ouais. 107 fois... 40, ça fait un peu plus de 4000, quoi, voilà. Lulu vendait ses toiles, Jaco plongeait dans un bistrot, Dédé goûtait les vins, moi j'étais fort au Havre, et Gégé lavait les carreaux. Pierrot ne faisait rien, on s'était fait les poches pour se payer un vieux taco fleuri sur le capot qui rêvait de Provence et qui mourut à Fontainebleau. On allumait une cigarette et tout s'allumait et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. On louait pour des prunes les quatre murs d'un vieux grenier, tout prêt à s'écrouler. Mais pour toute une fortune, on n'aurait pas déménagé. On allumait une cigarette et tout s'allumait, et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. Lucien a mis les voiles et Jacques s'est payé un bistrot où André boit de l'eau. Je ne suis plus fort au Havre. Roger inspecte les impôts, Pierre cherche du boulot. J'ai changé de guitare, mais j'ai gardé comme un cadeau cet air qui me tient chaud du fond de la mémoire, celui de l'équipage Jojo. On allumait une cigarette et tout s'allumait, et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. Et sur les 4000 ? 1530 et quelques enregistrés. Est-ce que tu te vois piger dans tes anciens textes pour les retravailler ? Jamais. OK. Alors ça, jamais. Est-ce que ça peut finir en livre ? Non. Non, quand un truc est écrit, qu'il n'a pas été retenu, chanté, je passe à autre chose. Okay. Moi, j'aime pas me retourner vers le passé. Et tu relis pas ? Non, Delannoy le faisait beaucoup, par exemple, il relisait ses anciens cahiers, des fois il prenait des trucs, mais moi non. Non. Tu veux rester frais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la nouveauté. C'est ça, tu veux rester spontané. Ouais, vivre dans le moment, quoi. Enfin, on ne fait pas réchauffer les plats, non. Encore aujourd'hui, tu es un homme avec plein de projets, tu t'arrêtes pas, c'est... Bah, c'est ça la vie, non, il me semble. Là, il y a eu tout un débat en France, là. Oui, sur la retraite. 62 ou 64, ouais. Franchement. Moi, j'en ai 78, mais j'ai pas du tout envie de m'arrêter. Ouais. Alors, bon, les gens me disent, ouais, mais c'est parce que toi, tu fais un métier intéressant. Bah, ouais, mais j'en ai bavé pour faire ce métier intéressant. Ça s'est pas fait tout seul, j'ai quand même accepté de vivre 5 ans dans des conditions plus que précaires. Ouais. Ça se mérite aussi. Mmh. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter. Non, il ne faut pas s'arrêter. J'ai pas du tout envie de laisser tomber la plume, j'ai pas du tout envie de laisser tomber la transmission, j'ai pas du tout envie de laisser tomber le combat pour le droit d'auteur, parce que c'est essentiel que les jeunes qui arrivent, jeunes filles, jeunes gens, puissent continuer à vivre de leur travail, de leur création, de leurs œuvres. Tout ça prend énormément de temps. Bon, j'ai jamais je sais pas ce que c'est qu'un week-end, je sais pas ce que c'est que les vacances, mais je m'en fous, quoi. Puis, bon, j'ai mon âge, le temps se rétrécit. Alors, le peu d'années qui me reste à vivre, je ne dis pas ça du tout par coquetterie, je dis ça simplement parce qu'objectivement, c'est vrai. Bon, j'ai vécu beaucoup plus d'années qu'il m'en reste à vivre, et ça ne me fait pas peur. C'est comme ça. Bon, le peu d'années qui me reste à vivre, j'ai envie de le remplir au maximum, de faire tout ce que je peux pour aider. Parce qu'au fond, Dassin, il avait une définition formidable de notre métier. Il disait, je fais des chansons pour aider les gens à vivre. Okay. Ben voilà, je crois qu'on est là pour ça. Et il ajoutait, et ça c'est le plus bel engagement qui soit. Et je crois aussi que c'est vrai que donner aux gens un peu de lumière, un peu d'air, un peu d'espoir, un peu de sourire... ou leur permettre aussi, à travers certaines chansons qui sont des cris, d'exhaler eux-mêmes leur colère, leur révolte, comme dans La Bête immonde ou d'autres chansons que j'ai écrites. Ouais, on est là pour ça, quoi. C'est une très belle mission. J'ai pas envie de laisser tomber. Et donc, oui, je continuerai jusqu'au bout. Voilà. Bon. D'un éclat de rire en plein cœur, une histoire de rien du tout, comme il en existe beaucoup. Notre amour qu'on croyait petit a grandi quand tu es parti. Grandi comme une déchirure, comme une blessure. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi le silence? Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi ce grand vide quand je pense à nous? C'était comme un défi au temps, le printemps avant le printemps, un chemin qui va n'importe où, mais semé de roses partout. Nous, c'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. C'est la fin du premier amour, ma vie qui appelle au secours. J'en rêve et j'en crève, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi le silence? Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi ce grand vide quand je pense à nous? C'est un cri arraché au ciel, un rayon qui manque au soleil. Quatre lettres me rendent fou, et dans ton oubli tu t'en fous. Je suis seul à nos rendez-vous, mais parfois dans mes rêves flous, une voix de je ne sais où me parle d'espoir et de nous. Nous, c'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. C'est la fin du premier amour, ma vie qui appelle au secours. As-tu beaucoup de... Est-ce qu'on te demande souvent d'écrire des chansons aujourd'hui? Oui, encore, oui. Oui, oui, ben pour, aussi bien pour des jeunes que pour des gens plus âgés, parce que bon, j'écris toujours pour Fulien, pour Sardou, pour Mireille Mathieu, pour Nana, pour Gilbert Montagné, pour des gens comme ça, pour François Valéry, là dernièrement, pour Jean-Luc Lahaye, pour... Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra? Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi, dans son quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver.